Pour tous les histoires, il reste un peu d'espoir. Celui de voir des gens sans phare au bazar. Il cherche à faire le point, servir sans les voir. Bouge ta tête, ta conduite est trop parfaite. Relève la gueule, je suis là, de ma seule. Ce qui est attendu, aujourd'hui me jugerai. Dragon, cool chain, lock the city. Come back again, the man. It's me, walk up the track. Every time I'm coming with my car, real, he come on and with the Ben Sizer. This was home zone friend, don't have Benz, get cocky right to bump us up on gang. This was home zone friend, don't have Benz, get cocky right to bump us up on gang. Me girl she sexy, y'a voir qu'au city. Original walk a man dans la ville de Paris. Y'all she jolie, quand on veut un sachi. Y'a t'amusé avec un DJ top celebrity. Et c'est wine mouge, carré sur le groove. J'aime les girls, surtout quand les girls move. Hey ya, move up, comme une loupe, bouge autour de la tête aux pieds. Et lâche ta posée, move up. Girl, wine ton vagin, le bonheur que t'as pas peur. L'excité, tous les bandits, ouais comme une vipère. Si t'as le savoir faire, fais ta... Thank you. Thank you.